donc un peu les filles. Allez, ouais, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de, pas dans le RIG, mais de ma maison. Bienvenue pour suivre cette édition spéciale Johnny de A à Z, Made in Home. Et cette émission, on l'appelle Confiné Live. Pourquoi du confiné? Parce que nous sommes tous confinés à la maison, en principe. Hein. Il y en a qui... oui, je sais, j'ai beaucoup de soleil aussi, j'ai beaucoup de soleil. Il y en a qui dépassent les lois et compagnie. Tout ce qu'on peut proposer, les couvre-feux et compagnie. Donc, écoutez, nous, on est à la maison, on est bien. Et puis, c'est l'heure de retrouver Johnny et l'émission Johnny de A à Z, ici à la maison. Deuxième partie aujourd'hui de l'émission Confiné Live. On va retrouver Johnny Hallyday dans des moments où soit il est seul au studio, soit il est en répétition, soit il est sur un plateau de télévision où il n'y a que 2, 3, 4 personnes, alors peut-être un mini public. Qu'est-ce qu'on va retrouver encore aussi en interview, hein, et aussi des mini concerts, exactement comme du genre le grand studio de RTL. Hier, nous avons profité du grand studio RTL 2011. Ce soir, nous aurons le grand studio RTL de novembre 2014. Aujourd'hui, on va commencer par une chanson qui est extraite donc du documentaire Le Roi Triste, qui est sorti en 1966-67, je ne sais plus, hein, j'ai fait des recherches juste avant l'émission et puis j'ai rien trouvé, ou sinon j'avais des dates qui ne convenaient pas, donc vous me direz ça en direct sur, sur le post de la vidéo. On va commencer tout de suite, donc Johnny Hallyday qui, en pleine séance d'enregistrement pour son album Génération Perdue, il va nous chanter « Je veux te graver dans ma vie ». Bonne émission à toutes et à tous. Soudainement, je suis tombé. Et comme ça, je... Oh là. On recommence. Donne-moi à boire, j'ai un chat dans la gorge. Tu as pas du lait, là? Il y a du lait encore, je crois. Merci. Tu l'ouvres, le Perrier? Ça donne mal à la gorge, le gazeux. Hein? J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté. À chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie, de ma pauvre vie. Johnny, je veux te graver dans ma vie, Johnny Hallyday, en 1966 dans l'émission Un roi triste. Johnny, on va le retrouver dans une autre émission. L'émission s'appelle Les jeunes aussi et qui date de 1967. On va retrouver Johnny Hallyday en train de répéter pour l'Olympia les titres Génération perdue ainsi que Quand un homme perd ses rêves. Tout de suite, Johnny Hallyday sur l'antenne de Érigé. Non, pas Érigé. Ici, à la maison. Mais c'est l'émission de Johnny de la Z. Sur tes lignes du tout à l'inconnu. On va retrouver John Hallyday en train de proposer une chanson à Hervé Villard. Pour toi, je prie. Toujours issu de l'émission Les Jeunes aussi. J'attends une lettre qui ne viendra pas. Je pensais peut-être elle m'écrira. J'ai attendu en vain quelque chose de toi. J'ai attendu pour rien. Et voilà pourquoi, pour toi, moi je prie. Pour toi, moi, je crie, pour que tu reviennes. J'ai peur de la nuit. Pour toi, moi, je crie, je n'ai pas de haine. Après tant de peine, je cherche l'oubli dans une chambre, entre quatre murs. Dans cette chambre, aujourd'hui, c'est dur. Oublier en un jour un amour comme ça, un véritable amour, ça ne s'oublie pas. Pour toi, moi je prie, pour toi, moi je crie, pour que tu reviennes. J'ai peur de la nuit. Pour toi, moi je crie, je n'ai pas de haine. Après tant de peine, je cherche l'oubli. Pour toi, moi, je prie. Si je montais le son, ce serait mieux. Etc. Etc. Vous écoutez Johnny 2 à Z, non pas sur RIG, mais fait à la maison. C'est un petit rendez-vous que je vous propose. Voilà. C'est un petit rendez-vous qui a été fait à la va-vite. Oui, comme pour les prochains extraits que je vais vous proposer, je n'ai pas la date précise. C'est-à-dire qu'en gros, je regarde. Si je regarde bien, on va faire un petit clin d'œil à notre ami Frédéric Quinonero. Si on regarde, hop, la caméra, c'est par là. Si on regarde son livre, Johnny Hallyday, l'éphéméride, le prochain titre, je ne sais plus de quelle émission il date parce que je ne le retrouve pas là-dedans. Vous, évidemment, auditeurs et auditrices, vous allez pouvoir me le dire. Je compte sur vous, bien entendu. On va retrouver John Hallyday qui va interpréter en version acoustique « J'ai besoin d'un ami ». Voilà, et donc j'avais l'émission du 17 novembre 1973 où Johnny interprète aussi à l'acoustique Noël Interdit. Est-ce la même émission? Voilà, c'est une bonne question à savoir. Et puis que vous allez évidemment me... Mais je veux dire quoi? Que vous allez me le dire tout simplement. Voilà, hein, vous allez me le confirmer ou pas. On écoute tout de suite Johnny Hallyday, J'ai besoin d'un ami, version acoustique, donc version confinée. J'ai besoin d'un ami pour échauffer ma vie, pour les jours sans amour et d'ennui. Que ce soit un vieil homme, un enfant, mais quelqu'un qui sourit et qui me tente la main. Je suis seul dans la vie, je ne suis qu'un passant, un visage sans nom parmi les indifférents. J'ai besoin d'un ami qui saurait

ce fut mon nom la première fois. On s'aimait tant, on s'est donné une femme était née dans mes bras pour moi. On se cherchait, on se trouvait, on s'attendait et on s'aimait. C'était bien plus que de l'amour la première fois. De toi, du bout des yeux, du bout des doigts, ton premier cri, ce fut mon nom la première fois. Oui, ton premier cri, ce fut mon nom la première fois. Ça a vite coupé. À présent, nous sommes le jeudi 31 août. Johnny reçoit le Grand Prix de la SACEM pour le titre « Elle m'oublie ». Le soir, il est l'invité d'honneur de Jacques Chancel dans le Grand Échiquier sur Antenne 2 à l'époque, où il chante « J'ai pleuré sur ma guitare »,« La musique que j'aime »,« Le gorille » de Georges Brassens, bien entendu, « Cet homme que voilà »,« Le pétrole »,« Hey Joe »,« Merci d'ailleurs l'amour » et « Loving you ». Des extraits de concerts sont également diffusés. Gabriel joue pas de rock'n'roll pour moi. Et le chanteur s'exprime longuement sur son métier. Il déclare ne pas aimer se produire sur les plateaux de télévision à cause de la pratique quasi obligatoire du playback et du manque de public. Il critique les producteurs et responsables des maisons de disques qui privilégient le fait de vendre du disque au détriment de la qualité artistique. Il épingle également certains journalistes qui lui posent des questions idiotes. Et tout ça, c'était dans un reportage qui durait à peu près plus d'une heure. Et on retrouvait entre autres, à part le titre que je vous ai cité, oui, on retrouvait bien le titre Loving You. Johnny Hallyday qui est carrément sur un lit en train de faire son interview et qui propose de chanter cette chanson-là, Loving You. La première chanson d'Elvis Presley que j'ai entendue, que j'ai apprise, mais je l'ai jamais enregistrée, je n'ai jamais chanté en public. C'est une chanson. Et c'est rattrapé depuis. I will spend my whole life loving you, loving you. Winter, summer, springtime too. Loving you, loving you. Makes no difference where I go or what you know that I will always be loving you, just you and if I'm seen with someone you, lonely blue, don't you be blue, I'll be faithful, I'll be true, always true, true to you. There is only one for me and you. No, mais oui, ça s'est coupé comme ça. Bon, mais je retrouverai ça. À présent, vous écoutez Johnny de A à Z, une émission spéciale, mais confinée à la maison. Vous voyez, on est à la maison, il y a le soleil en pleine gueule, c'est très très très très agréable. Et pour, on va sauter dans le temps, on va passer en 1983 au Théâtre Montparnasse. Souvenez-vous, c'était dans le Casino Parade sur RTL, le 10 octobre 1983, et c'était Fabrice qui présentait cette émission. Et Johnny était venu, hein, était l'invité de cette émission, et il a fait un petit medley de chansons comme « Ne me quitte pas sur ma vie et maintenant » et « Le parapluie ». Et puis, il avait une petite acolyte avec lui qui était Jean-Jacques Debout. On écoute ça tout de suite. Toujours du Théâtre Montparnasse avec Johnny Hallyday. Le Chatra Chatrapa accompagné par nos Sweet Penguins. Attention Jean-Louis. Première chanson de Johnny, c'est... Une très jolie chanson de Jacques Brel. « Ne me quitte pas, j'aimerais demander à quelqu'un de venir la chanter avec moi. » Quelqu'un qui m'écrit des chansons, qui chante sur scène avec moi. Oui. C'est Éric Bamy. Est-ce que Éric Bamy est là? Dans les coulisses. Monsieur Bamy. Il était dans les coulisses il y a quelques instants. Il n'est pas là? Apparemment, il n'est pas là. Commence, Johnny. Eh bien, alors je vais... Il prendra le... chanter avec Jean-Jacques Debout. Le train en route. Alors, Jean-Jacques. Mon cher Jean-Jacques. Allez, Jean-Jacques. Ne me quitte pas, il faut oublier, on peut s'oublier, ils ont pris déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures. De pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Ah, je t'en prierai, et perdre le plus belle merveille, il ne pleut pas. Tu chantes superbement bien. Ah ben j'aimerais bien enregistrer cette chanson de Jacques Brel. Eh ben aussi, j'aimerais bien, il faut le faire, ça. Je te jure que tu la chantes d'une façon extraordinaire, il faut que tu l'enregistres. Bon, chanson suivante. Alors, sur ma vie. C'est admirable, sur ma vie. Chanson suivante, c'est quoi? Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma vie, j'étais dû un jour. Thank you.

que jamais. Jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'a su pour moi, oui, ce que je sais, ce que je ressens. Je le sais, oh, je le sais maintenant. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ce que j'en ai fait, ça, le temps fait pas. Je tire un trait et on se barre. Mais sur le seul freeway qui mène quelque part. C'est que jamais, oh jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je ressens. Je le sais, oh, je le sais. Maintenant, ça, je le sais. Je le sais, maintenant. Et jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je ressens. Je le sais, oh, je le sais maintenant. Vous écoutez Johnny de A à Z en version confinée. Oui, Johnny Hallyday avec peu de public ou à la rigueur seul en studio, à la rigueur sur une scène en train de répéter. C'est ce qu'on va écouter d'ici quelques secondes. Nous sommes en mai 2000 et Johnny avait enregistré sur un CD Good Rocking Tonight sa version de Blue Sweat Shoes en hommage à Sun Records. Vous voyez un peu, sans lire quoi que ce soit, je vous le dis comme ça, pof, brut. Et pour l'occasion, il avait aussi enregistré sur la scène de l'Olympia un petit film qu'on retrouve sur ça. Sur Hallyday par Johnny, où il chante, je ne sais plus devant qui, vous allez peut-être me le dire, je n'ai plus trouvé le truc, il faudrait chaque fois qu'on note et on renote. Et il interprète devant cette personnage, je ne sais plus à quelle époque, soit qu'elle a connu Elvis Presley à l'époque, et qui chantait Blue Sweat Shoes, donc la reprise qu'il avait faite sur ce film, sur cet hommage à Sun Records. Il était accompagné de Robin de Mesurier et de Brian Ray. On écoute ça tout de suite. Well, it's a one for the money, a two for the show. I'll do it again already now. Go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. Well, do the thing that you wanna do. Well, they have a nice shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. All that swagger. Car, drink my liquor from a old food jar. Do anything that you wanna do. Honey, have on my shoes, but don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Let's walk again. All right. mode confiné ici sur l'antenne de Érigé, non pas Érigé, à la maison pour suivre l'émission Johnny de A à Z. Bon, vous ne me verrez pas, vous me verrez un peu plus tard, d'accord, ça ne vous dérange pas. À présent, nous sommes en l'an 2006, exactement le 25 mars 2006, je vais retrouver mon truc, oui. Et pour célébrer leurs noces d'étain, soi-disant de mariage, Johnny et Laetitia s'offrent une soirée Far West au Cirque Phoenix dans le jardin d'acclimatation de Paris, en présence de 350 invités. Ah, maintenant, ça ne se ferait pas. Non, ça ne se ferait pas. Tous en tenue western, parmi lesquels Laura Smet, David Hallyday, Eddie Mitchell, Fabrice Lucchini, Antoine Duléry, Mathilde Seigné, Yves Régnier, Zazie, Calogero, et selon le Parisien, Bernadette Chirac, également invité, se serait excusé. Et le soir même, les téléspectateurs retrouvent Johnny chantant « Vivre pour le meilleur » et le temps qui passe dans Symphonic Show sur France 2. Je vais vous faire écouter trois extraits que Johnny avait chantés lors de cette soirée-là. C'était That's Alright Mama, encore un hommage à Elvis, Tes tendres années et Voilà Shaking Going On. Johnny de AZ, fait à la maison pour votre grand plaisir. Merci, merci. Chanter quand même une chanson. Ben oui. Pour ma tendre épouse. Elle est où? Elle est où, ma tendre épouse? Où? Parce que j'ai passé la soirée à la chercher ce soir. Et c'est une chanson. Ben enfin voilà, c'est une chanson que je chantais dans mes plus jeunes années et que je voudrais lui chanter ce soir un petit peu country. On va la faire country, hein. Donc moins lente que d'habitude, voilà. Mais c'est une chanson qui s'adapte bien à nous. Et c'est une jolie chanson d'amour. Vas-y. Tu me dis. Et tu l'aimes, le sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime, bien plus fort, en secret. Un matin, quand il partira, quand tu pleureras, dis-toi bien, que tu vivais tes tendres années. Dans tes yeux, la lumière n'est là que pour lui, et le sais-tu, la lumière, ça n'est pas interdit de ne voir en lui que l'espoir au jour des regrets. Et toi bien, que tu vivais tes tendres années. Johnny fête ses 10 ans de mariage le 25 mars 2006. Et voici Walla Shaking Green On, ici en direct sur Johnny de A à Z. Nous sommes ensemble pour une heure confinée ensemble à écouter Johnny de A à Z, l'émission que vous retrouvez en principe tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit sur l'antenne de RIG. Mais là, évidemment, tous les programmes de RIG sont suspendus, du moins tous les programmes pour les animateurs bénévoles comme je suis. Voilà. Et à présent, nous sommes en 2006 et l'album « Ça ne finira jamais » fait l'objet d'une variété fiction homonyme proposé par Carson Prod et qui est diffusé le 13 décembre sur France 2. Le scénario a été conçu afin de retracer de manière originale le parcours du chanteur. Et le producteur Frank Seurat présente ainsi le concept, un couloir symbole de sa mémoire dans lequel Johnny déambule et des portes qu'il franchit une à une. Et derrière chacune d'elles, un nouvel univers cher à l'homme et à l'artiste. On va retrouver deux titres de cette émission, Le Pénitencier et Gabriel. Mode confiné. Ouais, mode confiné sur le thème du RIG. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons. Seule la nuit, traînez dans les rues, ils iront tout droit en prison.

pourquoi ne reviendrais-tu pas? Puisque je t'attends, pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps comme avant? Mais comme avant, à quoi peuvent bien servir mes jambes si comme les feuilles elles tremblent? Que vais-je bien faire de mes 10 doigts s'ils ne te touchent pas? Que peuvent devenir mes yeux s'ils n'y voient plus que du feu? En ce qui concerne mon front, il combat toujours ses démons. J'ai tout fait contre, j'ai rien fait pour, j'ai joué la montre, j'ai perdu mon tour. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Le ciel est plus clément. Pourquoi ne reviendrais-tu pas? Ça fait déjà si longtemps. Pourquoi ne reprendrais-tu pas un peu de mon temps? Mais comme avant, oh, comme avant. Johnny sur l'antenne, non, à la maison, dans l'émission Johnny de A à Z. Décidément, je ne le ferai pas. En mode confiné, oui, oui, oui, il était sur l'antenne donc de Canal+. On va retrouver Johnny Hallyday en 2013. Il était au Festival Family de Saint-Barth, c'était en août 2013. Et Johnny avait fait une petite apparition comme ça, et puis il est monté sur la scène, il a interprété un petit titre qu'on va écouter tout de suite. Je ne sais même plus lequel est, je crois que c'est World Shaking Going On. Voilà, c'est toute la musique que j'aime, voilà. C'est ça le présent, préparer ses émissions, c'est ça. Get it! Yeah. Pour ce festival Family, voilà. Et on se retrouve tout de suite maintenant en 2014 dans le grand studio de RTL, le 15 novembre, où Johnny défendait son nouvel album Rester Vivant. Et on écoute ça tout de suite sur le terrain du RIG avec deux titres, Seul et Rester Vivant. Et après, on finira cette émission spéciale Johnny confiné live. Regardez tomber la pluie, écoutez le souffle du vent, acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses,

s'achève cette émission. Johnny de A à Z, mode confiné, live. Oui, bien sûr. On se retrouve, allez, j'ai décidé, on se retrouve lundi prochain. Oui, oui, ça va être un autre rendez-vous. Non, pas quotidien, non, faut pas abuser, on va pas aller jusque-là quand même. Hein. Un jour sur deux, un jour sur trois, je sais pas encore. Je vais réfléchir, que je trouve une idée pour la semaine prochaine. Merci encore et à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, d'avoir écouté cette émission. Et puis on se retrouve très très vite. Bon week-end à toutes et à tous. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao.